Au saut du lit, je me suis pris une gamète. C'est mon âge avancé qui m'a fait un croche-pied. Et puis, quand je me suis relevé, on est venu m'annoncer parmi mes obligations. D'être égoïste, tiens donc. Était-ce que de boire une écharde dans la tête? Ma commande pour Noël, peut-être une cigogne trop zélée installée sur mon toit. Mais si je panique, c'est pour gagner du temps. Savoir si vraiment j'ai le bonheur que je mérite. Je crois que je serai heureux le jour du débarquement, car je serai sûrement un père, un mari. Je crois que l'ADN de mon arbre a voulu voir plus loin, de peur que ses pépins ne deviennent du marbre. Et je gardais des soldats de l'enfance, des poupées de plastique, des bijoux synthétiques et des fontaines de jouvence. Ces trésors ont dormi trop longtemps dans l'armoire de ma vie, au fond du cagibi d'un vieil adolescent. Mais si je panique, c'est pour gagner du temps, pour savoir si vraiment j'ai le bonheur que je mérite. Je crois que je serai heureux le jour du débarquement, car je serai sûrement un père, un mari. Je donne un homme de plus, aura-t-il sa place? Suivra-t-il les traces de ma quête éperdue? Déjà je rêve de lui dire des mots au sens chargé d'histoire, d'attente et d'espoir et de gestes inégaux. Serais-je une tête de bois, une écharde dans sa main, un cadeau au pied du sapin, un père juste et digne de toi? Mais si je panique, rire.